Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions de Mage ont le plaisir de vous présenter Yaoum Ashura, le jour de Ashura, un cours donné par le frère Abdul Hamid Al-Jazairi Hafidhullah Ta'ala au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyah de Damaj au Yémen. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wa salatu wa salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mabad, ceci est un cours qui a pour titre 15 faïda concernant le jour de Ashura. Et ceci est un cours qui est basé sur le livre du frère Abu al-Abbas al-Shihri, Hafidhullah Ta'ala, et qui est avec la Muqaddima de notre cheikh Yahya ibn Ali al-Hajuri hafidhahullah ta'ala. Et ce cours a pour but l'étude de certains hadiths ou les fawaïd qu'on va tirer de certains hadiths concernant le jour de Ashura qui est bientôt inshallah. Allah subhanahu wa ta'ala est dit dans son kitab: Inna iddat ash-shuhur 'inda Allah 12 yawman fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal ard minha arba'atu hurum dhalika ad-dinu al-qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilu al-mushrikina kaffa كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Donc dans le sens approximatif de la traduction de ce verset, Allah Azza wa Jal il dit: le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 dans la prescription d'Allah. Le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion d'Allah, telle est la religion droite. Ne vous faites pas du tort à vous-même durant ces mois et combattez les associateurs sans exception comme ils vous combattent. Et sachez que Allah est avec les pieux. Et ces mois sacrés sont les suivants: Dhul-Qa'da wa Dhul-Hijja, Muharram ou Rajab. Trois de ces mois se suivent et le quatrième est isolé. Dhul-Qa'da et Dhul-Hijja sont les deux derniers mois de l'année. Quant à Muharram, c'est le premier mois de l'année, et Rajab, c'est un mois qui se situe environ au milieu de l'année. Et Ashura, ça tombe durant l'un de ces mois sacrés qui est Muharram, plus précisément le 10 de Muharram. Ceci dit, on pourrait se poser une question qui est: quel est le jugement concernant le jeûne de Ashura? Est-ce que ce jeûne est obligatoire ou bien surérogatoire? Et deuxième question: quels sont les mérites de ce jour? D'après Aïcha radiyallahu ta'ala anha, elle a dit: Kana yawm ashura tasumuhu Quraysh fil jahiliya wa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam يصومه في الجاهلية فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان ترك يوم عاشوراء فمن شاء صامه ومن شاء تركه. Donc Aïcha, dans la traduction de ce hadith, elle a dit: رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين avant l'islam Quraysh avait l'habitude de jeûner le jour de Ashura et Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam faisait de même et quand il arriva à Médine il le jeûna et ordonna qu'on le jeûne ensuite lorsque le jeûne du mois du Ramadan fut décrété il abandonna le jeûne de Ashura et alors il devint surrogatoire alors il devint surrogatoire de jeûner ce jour ou de ne pas le jeûner celui qui voulait le jeûner il le jeûnait, celui qui ne voulait pas il ne le jeûnait pas, c'était plus une obligation comme c'était avant que le Ramadan fût révélé. وعن حميد ابن عبد الرحمن رضي الله تعالى عنه سمع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه يوم عاشوراء عام حج على المنبر يقول يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا الصائم فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر La traduction de ce hadith qui est apporté d'après Humayd ibn Abd al-Rahman radiyallahu ta'ala anhu il a rapporté avoir entendu Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu ta'ala anhuma dire sur le minbar le jour de Ashura l'année où il a accompli le Hajj il a dit aux gens de Médine où sont vos savants aux gens de Médine où sont vos savants j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dire ce jour est le jour de Ashura il ne vous est pas obligé de jeûner mais moi je jeûne alors qui veut jeûner qu'il jeûne et qui ne veut pas qu'il ne jeûne pas وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا قالوا هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله بني إسرائيل من عدوهم فصامه موسى قال فأنا أحق بموسى منكم فصامه وأمر بصيامه d'après Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam remarqua à son arrivée à Médine que les juifs jeûnaient le jour de Ashura il a donc dit qu'est-ce que c'est que ce jour pour que vous le jeûniez ils répondirent ou les compagnons répondirent C'est un jour béni. C'est le jour où Allah, c'est les juifs qui ont dit ça, d'après Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, remarqua, à son arrivée à Médine, que les juifs jeûnaient le jour de Ashura. Il dit, qu'est-ce que c'est? Et les juifs, ils ont dit, ceci est un jour béni. C'est le jour où Allah sauva Bani Israël de leur ennemi. Et c'est pour cela, que Moussa alayhi salam le jeûna. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit Je suis plus en droit de faire comme Moussa alayhi salam et il jeûna alors ce jour et ordonna à ses compagnons de le jeûner. Wa'an ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma قال فما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام هذا على الأيام إلا هذا اليوم إلى هذا اليوم ولا شهر إلا شهر إلى هذا الشهر يعني رمضان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صام يوما يطلب فضله على الأيام إلا هذا اليوم ولا شهرا إلا هذا الشهر يعني رمضان. D'après Ibn Abbas, radiyallahu ta'anhu, il a dit « Je n'ai pas vu le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, chercher à jeûner un jour, bien déterminé, le préférant à un autre jour, sauf pour ce qui est de ce jour-ci, c'est-à-dire le jour de Ashura, et ce mois-ci, c'est-à-dire le mois de Ramadan. » وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإذا كان العام المقبل إن شاء الله سمنا يوم التاسع قال فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. D'après Ibn Abbas رضي الله تعالى عنه, il rapporte lorsque le prophète صلى الله عليه وآله وسلم jeûna le jour de Ashura et ordonna de le jeûner aux compagnons. D'après Ibn Abbas rapporte, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûna le jour de Ashura et ordonna de le jeûner, les compagnons lui dirent, ceci est un jour que les juifs et les chrétiens donnent de l'importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'année prochaine, incha'Allah, nous jeûnerons le 9e et le 10e jour. Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, il a dit, nous n'avons pas atteint l'année suivante que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décéda. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé au sujet de Ashura, il répondit « Yukathiru sana al-madiya » C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a été interrogé au sujet de Ashura et il a répondu « Il pardonne les péchés de l'année précédente. » Dans ce hadith que nous venons de citer, il y a plusieurs fawaïd ou leçons à tirer parmi lesquelles. La première faïda, c'est quoi ? C'est que les savants sont unanimes sur le fait qu'il est fortement recommandé de jeûner Ashura. Et Tirmidhi, rahimahullah ta'ala, a dit, les savants voient en se basant sur le hadith de Aïcha que le jeûne de Ashura n'est pas obligatoire, sauf si une personne veut le jeûner pour le mérite qu'il contient. La deuxième faïda, il est connu que le jour de Arafat permet d'effacer les péchés de l'année précédente et de l'année à venir. Comme dans le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit, lorsqu'il fut interrogé sur le jour de Arafat, il dit « Yukaffiru as-sana al-madiya wal-baqiya » Il efface les péchés de l'année précédente et de l'année à venir. Donc, si une personne jeûne le jour de Arafat plus le jour de Ashura, qui sont espacés d'environ un mois, les péchés de deux années écoulées lui sont pardonnés. Et les péchés d'une année à venir lui sont aussi pardonnés. La troisième faïda que nous pouvons tirer de ce hadith, et que le jeûne de Ashura était obligatoire. La troisième faïda que nous pouvons tirer de l'étude de ces hadiths est: est-ce que le jeûne de Ashura était obligatoire? La réponse la plus juste est celle de Hafiz ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, qui a dit: nous pouvons dire, en nous basant sur l'ensemble des hadiths, que le jeûne de Ashura est obligatoire, pour les raisons suivantes. Ensuite, il cita les raisons qui prouvent que le jeûne de Ashura avant est obligatoire, qui est: le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna de jeûner le jour de Arafat. Dans le hadith de Aïcha, il est dit: صامه وأمر بصيامه. Il le jeûna et ordonna que nous le jeûnions. Et il ordonna, sallallahu alayhi wa sallam, à ceux qui avaient mangé de ne plus manger le reste de la journée. Il ordonna aussi aux femmes de ne pas donner de la nourriture à leur enfant. Et dans le hadith d'Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu, il a dit: lamma furida ramadan taraka ashura. Lorsque le ramadan fut instauré, il délaissa ashura. Il faut savoir que il délaissa ashura, mais les mérites du jour de ashura sont toujours présents. C'est pas parce qu'il a délaissé l'obligation de jeûner l'Ashura que ses mérites sont annulés de la même manière. Non, celui qui jeûne le jour de Ashura a la même récompense que nous avons cité précédemment, c'est-à-dire que les péchés de l'année précédente lui sont pardonnés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit avant de mourir: si je suis vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9 et le 10. La quatrième faïda que nous pouvons tirer de ce hadith, c'est le hadith d'Ibn Omar et de Aïcha radiyallahu ta'ala anhuma, qui prouve que les kuffars de Quraysh, ils faisaient des adorations, parmi lesquelles le jeûne de Ashura. Et cela avant que la révélation ne descende sur Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Mais leur adoration n'avait aucune valeur auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour la raison que c'était des associateurs, des mushrikin. Le cheikh al-Islam, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, a dit dans son célèbre livre, Kashf al-Shubuhat, qui est traduit par le dévoilement des ambiguïtés, il a dit la parole suivante: Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager à un peuple qui faisait des adorations, qui faisait le hajj, qui faisait des sadaqas, etc. Mais il plaçait entre eux et Allah des intercesseurs parmi les créatures. Et il disait: nous voulons par leur intermédiaire nous rapprocher d'Allah, et qu'ils intercèdent pour nous, tels que les anges, Isa ibn Maryam, et autres gens pieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam pour appeler les gens à adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, et pour les informer que les adorations qu'ils font envers les morts pour se rapprocher d'Allah, cela est le droit exclusif d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne peut pas être fait pour un autre, ni un ange, ni un prophète, encore moins une autre personne. Voilà la parole de Cheikh Islam Ibn Taymiyyah, Muhammad ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, comme dans Kashf al-Shubuhat. Ce que je veux dire aussi, c'est que la personne qui adore Isa, alayhi salam, ou Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en leur vouant des actes d'adoration qui sont le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'y a aucune différence entre les deux. Que la personne, elle fait un sujoud devant Isa, ou qu'elle fait un sujoud devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas de différence entre ces deux personnes. Les deux, c'est du shirk. Et l'adoration, c'est une adoration qui doit être vouée à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Mais plus grave que cela encore, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, on a des personnes qui s'attribuent à l'islam, telles que les Rafida et les Ahbash. Ces gens adorent des personnes qui disent que c'est des personnes pieuses, dont ils n'ont aucune preuve, en leur vouant des actes d'adoration. Par exemple, ils sacrifient pour elles. Ils leur demandent de faire shafa'a, ou autre acte d'adoration. Et ça, yani, c'est du shirk qui est clair. Et les chrétiens, bien qu'ils soient égarés, eux, ils adorent Isa. Et Isa, c'est un prophète, sallallahu alayhi salatu wassalam. En plus de ça, il fait partie des 5 meilleurs prophètes. Yani, les chrétiens, dans leur égarement, ils adorent un prophète. On ne dit pas que c'est juste d'adorer un prophète. Là, un prophète, on lui donne son droit, mais on ne l'adore pas. Mais bref, ce que je veux attirer l'attention, c'est la différence entre les chrétiens, les Rafida et les Ahbash. C'est ça que je veux attirer l'attention. Bien que si les chrétiens soient égarés, et dans leur égarement, ils font partie de l'Ahl et Nar, on n'a aucun doute à avoir dessus, c'est que dans leur égarement, ils sont plus guidés que les Ahbash et les Rafida. Pourquoi? Les chrétiens, ils adorent un prophète. Mais les Rafida et les Ahbash, ils adorent des personnes qui, eux, disent que c'est des pieux. Yani, ils n'ont aucun dalil sur ça. Même les chrétiens, maintenant, ils peuvent leur dire aux Ahbash et aux Rafida, vous nous blâmez parce qu'on adore le fils de ce qu'on appelle, yani, parce qu'on adore Isa. Mais vous, vous adorez des personnes qui ne sont même pas des prophètes. Regardez l'égarement des Rafida et des Ahbash. Ils sont plus égarés encore que les chrétiens, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Subhanallah. Même les kuffars de Quraysh, avaient compris le sens de la ilaha illallah. Allah subhanahu wa ta'ala a dit, lorsqu'il a parlé des kuffars, des mushriqim, dès que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam leur faisait da'wa, qu'est-ce qu'il leur a dit? Allah, il remporte la parole des kuffars dans le Coran. Aja'ala alihatan ilaha wahida, inna hadha la shay'un ujab. Les kuffars à l'époque de Quraysh ont dit, est-ce que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il va rendre toute une divinité, qui est au nombre de 360, en une seule? C'est quelque chose d'extraordinaire. Ils ont compris le sens de la ilaha à travers cette parole. Ils ont compris que yani, le sens de la ilaha illallah, c'est qu'il fallait adorer Allah seul et qu'il ne fallait pas donner d'autres adorations qui sont le droit d'Allah à une autre personne. Les kuffars de Quraysh, ils avaient compris cette parole, mais ils l'ont refusée. Mais aujourd'hui, les Ahbash disent la ilaha illallah, mais ils ne l'ont pas compris. Eux, pour eux, ils ont accepté cette parole. Mais ils n'ont pas comprise. Et ce qui fait d'eux des mécréants à cause de cette association. Tu fais des mécréants à cause de cette association. Un autre point, aussi sur lequel je voudrais attirer l'attention, qui est que nous trouvons des musulmans aujourd'hui, c'est une chose qui est grave, on trouve aujourd'hui des musulmans qui ont un doute que le pape, les rabbins, yani si on leur dit que ça font partie des gens du feu, ils ont du mal à le croire. Si on leur dit le pape, il est mort. Alayhi la'natallah, le rabbin de telle église, le rabbin de telle synagogue, il est mort. Alayhi la'natallah, ils disent non, ils ont fait du bien dans leur vie. Non, ils ont fait du choc. Ils ont fait la plus grande injustice. Il n'y a aucun bien dans ces gens-là. C'est ça qu'il faut se mettre en tête. Et ça, c'est quelque chose de grave. Parce que le fait que tu as un doute sur le fait que le kafir, il va rentrer en enfer, ça c'est très grave. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il a dit que le kuffar min ahli nar. Et toi, yani, tu n'as aucun doute à avoir sur la parole d'Allah azza wa jal, pour prendre la défense de mushrikin, de gens qui vont aller en enfer. Et en plus, yani, c'est quelque chose de stupide, parce que toi, tu risques, toi, en prenant la défense du pape et du rabbin, ou d'autres kuffars, tu risques de sortir de l'islam pour un kalam qui auprès d'Allah, ta parole n'a aucune valeur. Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que c'est des gens du feu, toi tu veux les défendre. Et tu risques de sortir de l'islam pour des gens comme ça, c'est quelque chose de stupide. Ces personnes, il y en a toute leur vie, les papes, les chrétiens, les kuffars, ils ont appelé au kuffre. Ils ont appelé à la plus grande injustice. Toi, il y en a, il faut que ce soit clair, ces personnes, ils font partie des gens du feu. Si on te demande pour le pape, pour les rabbins, pour les kuffars qui sont morts sur le kuffre, toi tu réponds sans hésiter, hum min ahli nar. Ils font partie des gens du feu. Il ne faut pas que tu aies le moindre doute sur cette question. Celui qui meurt sur le kouf, alayhi la'natullah. Il ne faut pas que tu aies le moindre doute sur ça. Il y a un autre point encore. Ça, je pense que c'est des choses qui sont importantes. C'est pour ça que je tire l'attention sur ces points. Et c'est déjà arrivé. Un jour, il y avait un clocheur qui est mort. Il est mort sur le coffre. Et il y en a des gens, as muslims, ils ont de la pitié pour eux. Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de lui faire miséricorde. Ils ont demandé à Allah subhanahu wa ta'ala de leur raham. Parce qu'ils pensent qu'il y en a qui va rentrer au Jannah. Non, il est mort sur le coffre. Lui, il est mort sur le coffre, il a vécu une vie de clochard, il a perdu la dunya ou l'akhira. Même le riche, même celui qui est millionnaire, et qui meurt, il meurt sur le coffre, il a perdu la dunya ou l'akhira. Mais lui, c'est pire parce qu'il était pauvre dans la dunya, et fait l'akhira min ahli nar. Et nous, on n'a pas à avoir de doute sur ça. On ne rend pas kafir quelqu'un qui arrive parce qu'il boit de l'alcool. On dit qu'il a commis un kaba'ir, min al-kaba'ir. Là, il y a ittifaq. Il n'y a aucun doute dessus. Par exemple, si demain, tu peux avoir un musulman qui dort dans la rue, qui est musulman, qui boit de l'alcool, celui-là, on ne voit pas le kafir. Mais on dit qu'il a fait un grand péché. Ce musulman-là qui meurt sur cet état, demain il meurt, toi tu vas faire salat janaza sur lui. Parce que c'est un musulman. Il rentre taht al-mashi'a, sous la volonté d'Allah Azza wa Jal. Quant au kafir, lui il ne rentre pas taht al-mashi'a. Lui il ne rentre pas taht al-mashi'a, il est mort sur le kufr. Yani, il a rejeté le Coran et la Sunna, il a tout rejeté. Il n'y croyait pas. Il faut bien se mettre ça en tête qu'il est mort sur le kufr. Allah Azza wa Jal l'a dit. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Le kafir qui meurt sur le kufr, il rentre dans la première partie de cette ayah. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Le musulman qui meurt en ayant fait des grands péchés, il rentre dans la deuxième partie de cette ayah. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Il pardonne en dehors de ce péché à qui il veut. Un autre exemple, Khomeini par exemple, alayhi la'natallah. Khomeini alayhi la'natallah, il est mort sur le kufr. Toi, tu as le droit de dire, dès que tu cites son nom, Khomeini alayhi la'natallah. C'est un kafir. Et parmi les choses qui le font sortir d'islam, elles sont nombreuses. Il n'y en a pas qu'une seulement, elles sont nombreuses. Parmi lesquelles, il insulte ses compagnons. Il dit que Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, Umm al-Mu'minin, elle a commis l'adultère. Alayhi la'natallah. Il dit que le Coran, il a été falsifié, il n'est pas complet. Il dit que les neuf, que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, que parmi les dix, que Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, qui vont entrer au paradis, lui il dit qu'il y en a neuf qui vont en enfer. Et il n'y a qu'une chose parmi ces choses-là, elle suffise pour lui faire sortir de l'islam. Et il a d'autres yarni masaib, il a d'autres moussiba. Il n'y a pas que ça, il a d'autres choses. Yarni, lui et les rafida, faut bien vous mettre une chose en tête, c'est que ces personnes, elles sont maudites. Et lui et les rafida, ils rentreront jamais en enfer. Yarni, celui qui meurt sur le kufr. Il a perdu, lui, vous pouvez dire qu'il a perdu le dunya ou l'akhira. Alayhi la'anatallah, alayhi khumini la'anatallah, ou alayhi rafida la'anatallah. La cinquième faïda qu'on peut tirer, qui est le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait tout pour ne pas ressembler aux kuffar. Et ça, on se tire d'où? Du hadith d'Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhu, lorsque les compagnons, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un jour que les juifs et les chrétiens donnent de l'importance. Il a dit quoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Il a dit, si je suis vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9 et le 10. Pourquoi? Pour se différencier des juifs et des chrétiens. La sixième faïda qu'on peut tirer, c'est si on médite sur le jeûne de Arafat et le jeûne de Ashura, on voit qu'en durant 3 jours de jeûne seulement, 3 jours de jeûne, c'est très peu, on a comme récompense 2 années de péché pardonné passé plus une année à venir. Et cela montre la rahma d'Allah subhanahu wa ta'ala envers ses créatures. Et on comprend mieux le verset où Allah subhanahu wa ta'ala a dit « وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا » Et il est miséricordieux envers les croyants. Et ça doit nous pousser à vers quoi? À être plus reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala et à multiplier les ibadas. On comprend que Allah subhanahu wa ta'ala, à travers ce hadith, que Allah subhanahu wa ta'ala, il veut notre bien, il veut pour nous la facilité. La septième faïda qu'on peut tirer, si une personne n'a pas jeûné le 9 par exemple, est-ce qu'elle peut jeûner un jour après Ashura, c'est-à-dire le 11? Au lieu de faire le 9 et le 10, elle va faire le 10 et le 11. L'avis le plus juste est que si la personne n'a pas jeûné le 9, alors elle jeûne le 10 seulement et pas le 11. Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam il a dit فَإِذَا كَانَ الْعَمَلْ مُقْبِلِ إِنْشَاءَ اللَّهِ سُمْنَا يَوْمَ التَّاسِعَ. Si je suis vivant l'année prochaine, je jeûnerai le 9. Alors qu'il aurait pu dire donc jeûner demain. Demain, il y a un livre qui va être le 11. Mais il ne l'a pas fait. Donc la personne qui n'a pas jeûné le 9, alors qu'elle jeûne le 10 seulement, sans jeûner le 11 de Shahr al-Muharram. La huitième faïda, c'est quoi? C'est le hadith عن ربيعة بنت معوذ رضي الله تعالى عنها قالت أرسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غادة عشرة إلى قرى الأنصار من أصبح مفطرا من أصبح مفطرا فليتيم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصوم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار دخل الحديث de Rubaya bin Muawwidh radiyallahu ta'ala anha, elle rapporte que le jour de Ashura, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam envoya dans le village d'Ansar des compagnons pour leur dire celui qui s'est levé et qui n'a pas jeûné qu'il jeûne le reste de la journée et celui qui n'a rien consommé qu'il jeûne. Elle ajouta, radiyallahu ta'ala anha, depuis ce jour, nous jeûnons le jour de Ashura et nous faisons jeûner nos enfants. Nous leur fabriquions des jouets en laine et si l'un d'eux pleurait à cause de la faim, nous lui donnions jusqu'au moment de rompre le jeûne. Dans ce hadith, pareil, il y a beaucoup de faïdas à tirer. Parmi lesquels, c'est par rapport à la niya. Pour ce qui est de mettre la niya pour le jeûne obligatoire, les savants sont d'avis que la niya doit être mise la veille. Et cela est l'avis de la majorité des savants, ainsi que de l'imam Ahmed, de l'imam Malik, de l'imam Shafi'i. Et ils ont dit ça en se basant sur le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a dit Man lam yubayyid sa'ima qabl al-fajr fala siyam lahu. Celui qui ne met pas son intention pour faire le siyam avant le fajr, son siyam n'est pas valable. Et son siyam basé sur le hadith إنما الأعمال بالنيات أي les actes ne valent que par leur intention. Ça c'est concernant le jeûne obligatoire. Mais pour ce qui est du jeûne surérogatoire, la majorité des savants sont d'avis qu'il n'est pas obligatoire de mettre la niya la veille et qu'il peut la mettre en cours de journée si bien sûr il n'a pas consommé avant, si bien sûr avant il n'a pas mangé. Et Al-Bukhari, rahimahullah ta'ala, a un chapitre qui est Bab idha nawa bin nahar sawman. Wa qalat Umma Darda, kana Abu Darda, yaqul, indakum ta'am, fa in qulna la, qal fa inni sa'im. Wa fa'alahu Abi Talha, wa fa'alahu Abu Talha. وأبو ريرة وابن العباس وحذيفة رضي الله تعالى عنهم البخاري رحمه الله تعالى إلى شابيت par rapport à cette masala, par rapport à cette question sur le fait de mettre la niya dans un jeûne surérogatoire, le fait de la mettre en cours de journée. البخاري il a ramené un athar de Darda qui dit lorsque Abu Darda radiyallahu ta'ala anhum yani, venait chez elle, il lui demandait est-ce qu'il y a quelque chose à manger. Si elle répondait non, il disait radiyallahu ta'ala alors je jeûne ce jour-ci. Et cet acte, cette manière de le faire, il y a Abu Talha ou Abu Rayra Ibn al-Abbas wa Hudhayfa, tous, radiyallahu ta'ala anhum, ils ont eu cette même avis, c'est-à-dire que s'ils faisaient un acte, un siyam surrogatoire, qu'ils n'avaient pas mangé avant, s'ils n'avaient rien mangé, yani, ils jeûnaient. Ainsi, on a aussi le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, des fois il est entré chez Aïcha, radiyallahu ta'anha, et il lui demandait, est-ce qu'il y a quelque chose à manger? Si elle répondait non, il répondait, sallallahu alayhi wa sallam, donc je jeûne. Il faut savoir que les règles dans les actes surrogatoires sont toujours plus vastes que pour les actes obligatoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, par exemple, la salat obligatoire, tu es obligé de la faire debout, à moins que tu aies une excuse qui t'empêche de te tenir debout, telle que la maladie ou autre. Mais pour les nawafil, tu peux les faire assises. Et c'est pareil pour le jeûne obligatoire et surrogatoire. La 9e faïda, cette faïda elle concerne le jeûne des enfants. Dans le hadith de Rubai'a, radiyallahu ta'ala anhu, il y a une preuve claire concernant le fait de faire jeûner les enfants. Et les enfants qui font des actes d'adoration, ils sont récompensés pour les actes d'adoration qu'ils font. Et ils sont certes meilleurs que les enfants qui ne font pas d'actes d'adoration. Et Allah Azza wa Jal récompense les parents pour le fait qu'ils poussent leur enfant à faire des actes de ibadah. Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, a dit dans son Majmu' al-Fatawa, après avoir appelé bien sûr que les enfants des croyants sont au paradis, il a dit quoi? Les enfants sont récompensés en fonction de leurs efforts, et cela même si la plume est levée pour eux, concernant les désobéissances. Comme dans le hadith où la femme demanda au prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, est-ce que cet enfant est récompensé pour son hajj? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam, oui, et toi aussi tu es récompensé. Et les compagnons faisaient jeûner leur enfant le jour de Ashura et d'autres jours, et l'enfant est récompensé pour ses salats, ses jeûnes, ses hajj et autres actes d'adoration. Et ainsi il est meilleur que les autres enfants qui ne font pas d'actes d'adoration. Et ceci est un mérite pour les parents. Comme il a dit, yani, c'est la fin de sa parole dans Majmu' Fatawa. Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, il a dit, dans ce hadith, il y a un argument clair concernant le fait d'entraîner les enfants à pratiquer le jeûne. La 10e faïda, c'est pourquoi le jeûne de Ashura fut légiféré. On a vu dans le hadith précédent, on va le rappeler, un Ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhuma, قال, قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة واليهود تصوم عشرة فقالوا هذا يوم ظهر فيه موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحق بموسى منهم فصوموه. D'après Ibn Abbas رضي الله تعالى عنه, le prophète صلى الله عليه وآله وسلم remarqua à son arrivée à Médine que les juifs jeûnent à Ashura. Il leur demanda pour quelle raison jeûnent-ils, et répondirent, ceci est un jour où Moussa fut sauvé de Pharaon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, vous êtes plus en droit de suivre Moussa que les juifs. Donc, jeûnez ce jour. Et dans une version, فصامه موسى شكرا لله. Dans une version, Moussa alayhi salam, il a jeûné ce jour en remerciement Allah Azza wa Jal. وعن أبي موسى رضي الله تعالى عنه كان يوم عاشوراء يعده اليهود عيدا. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصوموه أنتم. D'après un hadith d'Abi Moussa رضي الله تعالى عنه, les juifs ont pris le jour de Ashura pour une fête. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, jeûnez-le à vous. Dans ce hadith, on voit que Moussa alayhi salam a jeûné Ashura pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de l'avoir sauvé de Fir'aoun. La 11e faïda, on peut tirer de ce hadith que Fir'aoun alayhi la'nat Allah, il est mort le 10 de Muharram. La 12e faïda qu'on peut tirer, c'est que de tous les récits des prophètes qui nous sont venus par le Coran et la Sunna, on ne connaît pas la date d'un seul prophète lorsqu'il a été sauvé. À part Moussa alayhi salam, on sait qu'il a été sauvé de Pharaon le 10 de Muharram. La 13e faïda, c'est quoi? C'est que le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam n'a pas jeûné Ashura parce que les juifs et les chrétiens le jeûnaient. Et comme on a vu, le prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, il faisait très attention de ne pas leur ressembler. Comme on a vu lorsqu'ils lui ont dit, Ya Rasulallah, les juifs et les chrétiens, yani, vénèrent ce jour, il a dit donc l'année prochaine, je jeûnerai le 9. Pour ne pas ressembler aux juifs et aux chrétiens. Mais il a pris comme exemple Moussa alayhi salam. Comme dans sa parole, نحن أحق بموسى منهم. Yani on est plus en droit de ressembler à Moussa que eux. La 14e faïda, c'est le jour de Ashura est un jour vénéré par les juifs et les chrétiens. Comme yani, il est dit dans le hadith qu'on a cité, où les compagnons ils ont dit à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, innahu yawmun tu'attimhu al-yahud wa al-nasara. Les compagnons ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, ceci est un jour qui est vénéré par les juifs et les chrétiens. La 15e faïda, et qui est la dernière, c'est que l'habitude des juifs, c'est une de leurs traditions, c'est l'innovation dans la religion et le non-suivi de leur prophète alayhim salam. Car Moussa, lui, il a jeûné le jour pour remercier Allah. Moussa alayhi salam, il a jeûné ce jour pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala de l'aide que Allah subhanahu wa ta'ala lui a apporté. Et les juifs, eux, ils ont fait de ce jour un Eid, un jour de fête. À partir de là, on peut dire que toutes les fêtes non légiférées par le Coran et la Sunna ne sont pas autorisées, telles que les fêtes que nous voyons sur les calendriers des heures de prière. On voit beaucoup de fêtes, yani, qui ne sont pas légiférées, qui n'existent pas. Et on craint que cela rentre dans la ressemblance aux juifs et aux chrétiens, alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait tout pour ne pas leur ressembler. Ça, c'est par rapport à des fêtes, yani des fêtes qui croient qu'ils font partie de l'islam. Alors imaginez-vous des personnes aujourd'hui, yani d'origine musulmane, qui font la fête des mères, qui font Noël, qui font des anniversaires, etc. C'est encore pire. Ça, yani, il faut faire très attention de ne pas ressembler aux kofars dans leur fête. Nous, on doit se désavouer des kofars. Et nous, on doit prendre comme exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ne pas imiter les kofars quand Allah les maudisse. Et on doit tout faire pour ne pas leur ressembler. Inch'Allah, on va se contenter de ces 15 fawaïd qu'on a tirés, yani, du livre du frère Abu al-Abbas al-Shihri, hafizahullah ta'ala. Et on remercie Allah de nous avoir facilité à faire ce cours sur Ashura, tout en sachant qu'on ne lui a pas donné son droit et que les mérites de Ashura sont encore très nombreux. Wa alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.